c'est la radio scolaire d'Aïssa, c'est la radio scolaire d'Eragakura, pardonne-moi, c'est maintenant le moment du journal parlé en langue française par Godefroy d'Aïssa. Bonjour et bienvenue Godefroy. Bonjour Alfred et bonjour à tous. Les titres de cette édition, le peuple burundais est uni et soudé malgré la politique de division initiée par le colonisateur pour ses propres intérêts. Le président de la République, Pierre Nkurunziza, l'a précisé lors de la célébration du 26e anniversaire de la charte de l'unité nationale, se basant sur les recherches qui montrent les caractéristiques des différentes ethnies. Puis des projets de loi régissant le tambour burundais sont en cours de préparation pour éviter le piratage de ce patrimoine déjà inscrit sur le patrimoine de l'humanité. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture invite la population burundaise à protéger et à promouvoir ce patrimoine. Enfin, en éducation, 7 communes sur 11 de la province scolaire de Gitega vont commencer le projet cantine scolaire à partir de ce deuxième trimestre de l'année scolaire en cours. Le conseiller chargé de la planification des infrastructures en même temps, point focal de ce projet, espère que cela va contribuer à réduire le nombre d'abandons scolaires dans ces communes. Et voilà pour le sommaire, la mise en onde est assurée par Jean-Claude Habimana et vous nous captez en ligne sur notre site web www.radiondelagavura.com. Rebonjour et bienvenue. Rebonjour, je vous le disais en titre, le peuple burundais est uni et soudé malgré la politique de division qui a été initiée par le colonisateur pour ses propres intérêts. Et c'est du moins ce qu'a dit le président de la République, Pierre Nkurunziza, qui s'est basé sur les recherches qui montrent les caractéristiques des différentes ethnies. Le numéro burundais indique que l'arrêté royal du roi belge Albert Ier du 21 août 1925 a été à la base de plusieurs maux qu'a connu le Burundi. Selon les études ethnographiques faites par ceux-là même qui nous ont divisés sur base de simples détails morphologiques, l'on parle d'ethnie pour des groupes humains ne parlant pas la même langue, ne partageant pas la même culture et les mœurs. Il y a donc lieu de se demander pour quels motifs et sur quels critères ces mêmes personnes sont venus diviser les Burundais en trois ethnies, puisque nous avons en commun la langue, la culture et les mœurs en tant que peuple. Nul ne peut affirmer que les termes Umuhutu, Umututsi, Umutwa sont des inventions coloniales, mais leur sens et leur usage ont été détournés et instrumentalisés pour mieux servir une toute autre idéologie, celle de diviser pour régner. Le roi Albert Ier en est lui-même l'instigateur à travers le fameux arrêté royal du 21 août 1925 portant réorganisation administrative du Congo et du Rwanda-Urundi. Après avoir triomphé dans la lutte pour son indépendance, le coup presque fatal a été porté contre le Burundi avec l'assassinat du socle et du héros de l'unité nationale, le prince Rwagasore et ses veillants compagnons de lutte. Avec sa mort, l'idéologie du colon renaissait à travers des institutions acquises à sa cause. Des Burundais désignés de telle ethnie étaient persécutés et mis à mort, d'autres dont le seul tort était d'être nés dans certaines régions, étaient tués ou contraints à l'exil. Ainsi, les malheurs du Burundi débutaient et allaient durer de nombreuses années. Le président Pierre Nkurunziza demande aux Burundais de sauvegarder leur unité, de sauvegarder contre tout ce qui pourrait les diviser. Suivez encore une fois le président de la République, il a été traduit en français par Eli Irumv. Tout Burundais est appelé à bannir toute parole et tout comportement divisionniste. L'unité nationale doit être considérée comme la strophe et le refrain dans la vie de tous les jours. Aimer et faire aimer le pays où nous sommes nés et garder vive la conviction qu'il s'agit d'un bien commun. Nous devons tous nous sentir fiers d'être appelés Burundais et manifester cette dignité. Garder constamment en mémoire que l'Union fait la force et que soient organisés des projets et des travaux de développement qui rassemblent les Burundais. Réserver une place de visibilité à tous les Burundais qui vivent selon l'idéal de l'unité afin qu'ils servent d'exemple à ceux qui sont encore en arrière. nous rappelait sans cesse que l'unité constitue le bouclier et le fondement du développement durable, bannir toute parole et toute action divisionniste, ainsi que toute autre attitude de nature à séparer les gens et déchirer le tissu social burundais. Pointer du doigt et dénoncer les suppôts de la trahison et désapprouver massivement toute attitude ou comportement qui risque de nous replonger dans le triste noir du passé ou nous faire perdre nos acquis. Le programme de formation patriotique voudra prévoir des chapitres qui aident la population à comprendre et à intérioriser le bien fondé de l'unité nationale ainsi que les conséquences désastreuses de la division. Faire savoir que ce qui nous rassemble et nous unit est loin plus important que ce qui nous divise, que nos différences sont plutôt une richesse. Aux médias, nous demandons de réserver une tranche suffisante pour diffuser des émissions culturelles et sociales qui renforcent l'unité nationale. Vous aurez que le président Pierre Nkurunziza l'a dit dans son discours à la nation lors de la célébration du 26e anniversaire de la Charte de l'Unité Nationale. Et puis la cohabitation entre la population de Makamba est globalement bonne malgré leurs différences. Les précisions, nous les devons du gouverneur de cette province, Gad Niukuli, où il invite la population de Makamba à rester sereine et à s'entraider mutuellement. Jusqu'à présent, la cohabitation est bonne, il n'y a pas de problème, même s'il y a beaucoup de partis politiques suivant aussi les tennis, suivant les régions, il n'y a pas de problème. La population cohabite bien. Nous lançons un appel à la population de laisser se rendre, de soutenir l'un de l'autre, de faire l'entraide mutuelle parce que le pays est tout à chacun. Puis des projets de loi régissant le tambour burundais sont en cours de préparation pour éviter tout piratage de ce patrimoine qui est déjà inscrit sur le patrimoine de l'humanité. Et ces précisions, nous le devons du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Jean Bosco Hitimana, qui invite la population burundaise à protéger et à promouvoir ce patrimoine. Depuis que le tambour burundais a été inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a préparé certains textes pour la revalorisation et la protection du tambour. Il s'agit notamment du document de stratégie nationale pour la promotion du tambour burundais, deux projets d'ordonnance portant réglementation des spectacles tambour sur le plan national et international, du projet de décret mettant en place la semaine dédiée au tambour burundais et un avant-projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'une maison de la culture a été élaboré. S'agissant du patrimoine qui est le tambour burundais. À ce niveau, le Burundi a déjà gagné parce que maintenant le tambour est inscrit sur le patrimoine de l'humanité. Ça, c'est déjà un grand avantage que le Burundi a déjà tiré. Alors, il nous appartient à nous, Burundais, de protéger et de promouvoir ce tambour, ce patrimoine qui est le tambour. Nous poursuivons notre édition en page éducation. Cette commune sur 11 que compte la province scolaire de Gitega vont commencer le projet cantine scolaire à partir de ce deuxième trimestre de l'année scolaire 2016-2017 dans les écoles. Et comme l'a indiqué le conseiller chargé de la planification et des infrastructures, en même temps point focal de ce projet dans la direction provinciale de Gitega, Stani Nimbona, ce projet va contribuer à réduire le nombre d'abandons scolaires dans ces communes. Stani Nimbona demande aux parents d'appuyer dans la cuisson et en apportant le bois de chauffage. Ça fait déjà un mois, il y a un projet de cantine scolaire endogène qui a déjà commencé dans deux communes, à savoir la commune Bugendana et la commune Mutaho. Et puis le projet va s'étendre dans cinq autres communes, à savoir la commune Makebuko, Itaba, Buraza, Gansoro et Nyarusang. Nous avons déjà remarqué qu'avec ce projet, les absences et les abandons dans les écoles concernés sont déjà réduits et nous pensons que ça va permettre aussi l'augmentation des résultats scolaires. Aux parents, nous demandons de s'acquitter des tâches demandées et pour les parents, on les demande d'acheter des assiettes pour les enfants et de permettre aussi d'aider dans la cuisson des vivres. Toujours en page éducation, plus de 170 élèves ont abandonné l'école au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2016 et 2017 dans la direction communale de l'enseignement de Songa en province de Bururi. Comme l'a indiqué le directeur communal de l'enseignement de cette commune, Douar Ndouayo, sa direction n'a pas connu aucun abandon lié aux grossesses non désirées. Il précisait que cela a été possible grâce à la sensibilisation des parents et des élèves en collaboration avec les ONG ADRA et Help Channel qui œuvrent dans cette commune. Nous avons commencé avec un effectif de 14 000 élèves et nous avons terminé l'année avec un effectif de 13 900 élèves, donc abandon de 111 élèves, soit un taux d'abandon de 0,79%. Au quatrième cycle, nous avons un taux d'abandon de 1,3% et au poste fondamental, c'est 0,3%. Nous ajoutons que dans les trois premiers cycles, nous n'avons pas d'abandon suite aux grossesses non désirées. Stratégie que nous avons utilisé, c'est la sensibilisation aidée par les ONG locales, les ONG ADRA et Help Channel qui œuvrent dans notre commune, surtout sur la sensibilisation afin d'éviter les grossesses non désirées en milieu scolaire. Et les causes les plus marquées, c'est la pauvreté dans les familles, mais aussi des cas inconnus. Nous allons faire un appel vibrant pour ces élèves qui abandonnent les écoles, essayer de ne plus abandonner l'école, puisque dans notre commune, c'est l'école qui prime dans la région Boutou. Dernier élément, page en actualité nationale, la plante de Jatropha, une fois bien exploitée, peut être une source de revenus pour la population de la commune Gianga, où elle pousse naturellement très bien. C'est du moins la conclusion de l'agence consultative en éthique de la coopération internationale, au moment où cette agence a procédé ce vendredi à l'achat de 3 tonnes de graines de Jatropha qui ont été collectées par une centaine de femmes réunies au sein d'une association encadrée par la paroisse Gihanga. La directrice de l'Accessi, Ginette Kariri-Kinyana, demande à la population de la commune Gihanga de cultiver cette plante qui présente plusieurs atouts socio-économiques. On fait l'huile végétale de Jatropha avec ses graines. On presse un extrait d'huile, mais après la presse, on peut aussi récupérer le fumier organique qui va servir à fertiliser les champs. On utilise l'huile végétale de Jatropha pour la fabrication des savons à lactate. Donc c'est un des ingrédients qu'on utilise pour la fabrication du savon à lactate. On fabrique même les bougies avec des huiles végétales de Jatropha. Nous, on considère la population comme les producteurs. Ce n'est pas juste les personnes vulnérables, affamées, victimes des changements climatiques, mais il faut aussi que les gens apprennent à s'adapter au changement climatique. C'est-à-dire, ils n'ont pas pu récolter le maïs ou le haricot, mais ils peuvent exploiter ce qu'ils ont naturellement, c'est-à-dire les graines qui poussent naturellement comme des Jatropha. Ils piétinent dessus. Ils ne savaient pas qu'ils pouvaient en tirer l'argent. Mais maintenant, je voudrais les appeler à cultiver et à faire des plantations de Jatropha pour que demain et après-demain, l'année prochaine, ils aient encore plus d'argent. Bouclons ce journal par la page internationale. 17 personnes ont trouvé la mort et 56 autres blessés dans une bousculade au stade du nord de l'Angola lors d'un match de football de la première journée de première division entre la Recreativo de Libolo et qui se déplaçait au stade du 4 janvier pour y affronter le Santa Rita, comme l'a annoncé vendredi la police. Le porte-parole de la police explique que des centaines de femmes ont tenté de pénétrer dans le stade déjà plein, qui peut contenir 12 000 personnes. Selon Angop, l'agence de presse officielle angolaise, le ministère des Sports a demandé à la Fédération nationale de football et aux responsables locaux d'enquêter sur ce drame pour déterminer les causes de cette bousculade meurtrière et de prendre des mesures adéquates. L'histoire, vous saurez que l'histoire du football a plusieurs fois été endeuillée par des bousculades meurtrières dues à des faiblesses du dispositif de sécurité ou au comportement des spectateurs. Nous pouvons citer entre autres, en 2009, 19 personnes ont trouvé la mort à Abidjan après une bousculade lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde 2010 entre la Côte d'Ivoire et le Malawi. Une autre bousculade a également coûté la vie à 127 supporters à Accra, au Ghana. C'était en 2001. Enfin, un archéologue suisse vient de mettre au jour au Soudan 3 temple a la forme originale, construit il y a des milliers d'années. Les structures à la forme ronde et ovale datant de 2000 à 1500 avant Jésus-Christ ont été découvertes cet hiver dans le nord du Soudan, a expliqué Charles Bonnet, 83 ans, dans un entretien avec l'AFP. Elles sont situées à Dogigel, la colline rouge, à environ 1 km de Kerma, la capitale du royaume nubien où M. Bonnet et son équipe fouillent depuis des décennies. La découverte de ces trois temples pourrait donner lieu, selon lui, à de nouvelles révélations sur l'histoire de l'Afrique. Et voilà, chers auditeurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Jean-Claude Abimana pour sa parfaite collaboration technique. Quant à moi, Godefroy Ndeysaba, qui vous l'ai présenté, je vous souhaite de passer une agréable journée dominicale. Pour vous tous qui êtes déjà dans la messe et dans les croisades ou dans les mosquées, je vous souhaite de passer une agréable journée dominicale et continuer à prier pour le Burundi, prier pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale.